pas de gramme ni pas d'invite sur le bateau. Pirate mort ou vif, DUC, Chito, lâche de pointe à pitre. Posé avec une milf, t'as pas d'histoire, t'as pas de vécu. J't'ai trop gâté comme fils unique. J'monte au mitard du shit dans le cul. Fait que victoire de la musique. Ça parle comme des conquistadors, des frappes qui store et deux zipettes. T'as pas de couilles, t'as pas de cerveau. Pour toi, c'est mort, ni queue ni tête. Elle m'a liké, je l'ai souillé. Elle m'a haï, elle a fouillé. Je l'ai nexté dans la foulée. Fais pas le genouné, j'vais t'agenouiller. Sicario, 7 Carillo, Cop Antonio, Banderas. J'ai pas fini la school, mais j'ai fini San Andreas. Elle m'a dit t'aimes mes boucles d'oreilles, je lui dis j'aime rien, je suis parisien. J'irai au resto du cœur quand auront deux étoiles Michelin. Je respecte pas les nouveaux ni les anciens, je suis l'ancêtre. Sauvage comme l'ancienne RDA, la route pavée de traîtres. Je me tue quand j'ai besoin de naître. J'ai multiplié les naissances. Maintenant on est trop que des fidèles Castro. Négro je sais que t'as chaud, j'ai eu des échos. Négro je sais que t'as chaud, c'est pas moi qui le dis, c'est le fusil d'assaut. Je préviens pas quand j'arrive, on met pas le clignot quand on double. Je connais qu'il y a là en avant tout. Frérot on fait rien quand on doute. Je travaille sur un projet de paix. Actuellement je suis en plein dedans. Je dois d'abord calculer le nombre de fils de pute par habitant. Mais maintenant, s'il y a des fils de pute, on fait comment? J'ai peur de ne jamais y arriver maman. Les chiffres sont si impressionnants. Victimes de leur histoire, pur produit de mon environnement. Y'a que ça le bateau que c'est un pour tous. Personne gagne en papillonnant. Génération Ken, le survivant, Berlin allemande. Rentrez pas la petite, mise à l'amende. J'suis sorti par la grande.